La ruse, une stupéfiante histoire vraie. Nous allons jouer un sale tour pour ridiculiser Hitler. Hitler devra croire que nous voulons envahir la Grèce. Nous allons devoir lui montrer des preuves. De fausses preuves, bien sûr. L'opération la plus ingénieuse des services secrets. Un cadavre portant de faux documents. Il faut commencer par... lui donner un nom. La supercherie qui doit tromper Hitler et changer le cours de l'histoire. Il est impossible de reculer. La ruse, avec Colin Firth, actuellement au cinéma. Bonsoir, dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Gisèle Halimi, la jeune fille insoumise. Parce qu'elle voulait ni plus ni moins changer le monde, Gisèle Halimi, toute sa vie, a lutté contre l'injustice. Pendant la guerre d'Algérie, la jeune avocate plaide contre la torture. Dans les années 70, avec les féministes, elle mène le rude combat pour le droit à l'avortement. Quand Marie-Claire Chevalier, une jeune fille victime de viol, est accusée d'avoir pratiqué un avortement, l'avocate fait le choix risqué d'attaquer la loi elle-même. Un choix payant puisque Marie-Claire est relaxée et surtout parce qu'en 1974, l'IVG est enfin légalisée en France. C'est Gisèle Halimi, encore elle, qui osera lancer le débat sur un autre sujet ô combien tabou, le viol, qui grâce à son acharnement n'est plus un délit mineur mais bien un crime. Femme, vous lui devez tant, avait déclaré Elisabeth Badinter à la mort de Simone de Beauvoir. On peut le dire aussi de Gisèle Halimi. Mais comment est-elle devenue une rebelle? Qu'est-ce qui fait qu'une petite fille se met à dire non et un jour décide de se battre pour les autres? Rien n'était pourtant écrit d'avance pour la petite Gisèle, née juive, colonisée, pauvre et femme, avec un père qui ne voulait pas d'une fille et une mère qui ne voyait d'autre avenir pour elle que la soumission. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Jean-Yves Naour, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes historien, c'est vous qui avez écrit l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes, consacrée à l'enfance de Gisèle Halimi, un personnage donc historique que vous connaissez bien, puisque avec l'historienne Catherine Valenti, vous lui avez consacré un livre et un documentaire excellent pour France 5, j'en reparlerai tout à l'heure. Alors donc Gisèle Halimi, une vie très longue, née en 1927, morte en 2020, une vie foisonnante, depuis ses combats pour défendre les indépendantistes tunisiens jusqu'à la loi de 2000 sur la parité homme-femme, beaucoup d'autres combats. Quelle a été la constance dans tous ces combats et de cette vie, Jean-Yves Le Naour? Je crois que la constance, c'est la cause des femmes. Vous avez cité Simone de Beauvoir, on lui doit tant. Mais Simone de Beauvoir, c'était la philosophe, c'était la théoricienne. Alors que Gisèle Halimi, c'est tout à fait différent. C'est la générale en chef, j'ai envie de dire. C'est la tacticienne, c'est la stratège du féminisme. C'est celle qui a déterminé les buts et les moyens pour y parvenir. En organisant, en tant qu'avocate, de grands procès médiatiques. Afin de faire la conquête de l'opinion pour changer la loi. Qu'est-ce qui vous a intéressé en particulier dans ce personnage, chez cette femme? Alors, ce qui m'a intéressé, en tout cas déjà dans cette fiction qu'on va entendre... Oui, vous aviez envie de parler de l'enfant, oui, de la petite fille Gisèle Halimi, qu'on connaît un peu finalement. C'est ça. J'ai envie de dire tout le monde connaît, mais j'en suis pas sûr. Mais on connaît le procès de Bobigny, on connaît le procès du viol avec son Provence, la parité, et ses combats pour Djamila Boupacha contre la torture. Mais son enfance, c'est peut-être beaucoup moins connu. Et moi, j'ai trouvé que dans son enfance, il y avait toutes les racines de ses combats. Que c'est cette petite fille, finalement, Gisèle Halimi, toute sa vie. Elle est, vous savez, jusque sur les bords du monde, on porte son enfance, disait André Chédid. Toute sa vie, elle est restée cette petite fille qui disait « ce n'est pas juste ». Et qui disait « mais pourquoi ? Pourquoi je dois débarrasser la table ? Pourquoi je dois servir mes frères ? Pourquoi je dois laver le sol alors que mes frères n'ont pas à le faire ?» Beaucoup de petites filles ont subi cette soumission, mais elles ne sont pas forcément révoltées. Il y a eu quelque chose chez Gisèle Halimi de plus fort que tout. Oui, c'est ça qui est le mystère un petit peu chez elle. Alors est-ce que c'est son amour de la liberté, de l'indépendance, parce qu'elle écrivait un petit journal intime où elle disait voilà, je veux être libre, je veux être indépendante. Elle voyait ses parents qui se disputaient pour l'argent parce que sa mère ne travaillait pas. Son père lui donnait un petit peu d'argent pour quelques courses, et encore c'est lui généralement qui faisait les courses. Donc elle voyait ça, ces disputes, et elle disait mais pour être libre, il faut que je gagne mon propre argent. Oui, elle est très très jeune et elle est extrêmement intelligente et elle regarde tout ce qui se passe et elle voit beaucoup de choses dans sa propre famille. Elle voit beaucoup de choses dans sa propre famille, et donc son féminisme à elle, c'est pas un féminisme qui vient de la théorie, qui vient de la réflexion, c'est quelque chose de tribal, c'est une sorte de révolte. C'est l'enfant qui dit c'est pas juste, et sa vie, elle va être en conformité finalement entre ses combats d'enfance jusqu'à sa mort. C'est vraiment, elle est restée cette petite fille indignée qui ne se résigne pas, qui n'accepte pas la tradition, la religion, le poids de l'histoire. Non, on peut changer les choses. Elle a dit je veux devenir avocate pour changer les choses, pour changer le monde. Avocate pour changer le monde. Oui, parce qu'elle aurait pu se révolter simplement pour elle-même aussi, c'est-à-dire pour sa propre vie. Je crois que c'est ça aussi. C'est vrai que ça commence d'abord par elle. C'est forcément vraiment se sauver soi-même. Pour sauver les autres, il faut d'abord se sauver soi-même. D'abord se sauver soi-même, effectivement. Et en 1949, elle lit Le deuxième sexe de Beauvoir. Et là, elle dit, enfin, il y avait des mots sur ce que je vivais, sur ce que j'éprouvais, mais qu'elle n'avait jamais réussi à verbaliser. Oui. Voilà, effectivement. Et c'est là que toutes les choses vont changer. Merci Jean-Yves Le Naour. On reprend cette discussion tout à l'heure, si vous voulez bien. Tout de suite, Gisèle Halimi, La jeune fille insoumise, un texte de vous, Jean-Yves Le Naour, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Ossir. Je suis née le 27 juillet 1927 à La Goulette, en Tunisie. Une terre baignée de soleil dont j'ai conservé en moi, à jamais, la douce nostalgie du jasmin et le parfum acide du bigaradier. Je suis née en terre d'islam, escortée de rabbins, quatre fois dominée, juive, pauvre, colonisée et femme. J'ai su bien plus tard que mon père était tellement déçu de ne pas avoir un garçon qu'il a caché ma venue au monde 15 jours durant, le temps de se faire une raison. Enfant, Gisèle Halimi ne s'appelait pas Gisèle Halimi, mais Zeïza Taïeb. Zeïza est son premier prénom et Taïeb son nom de famille. Elle ne deviendra Halimi qu'avec son premier mariage dans les années 50. Ses parents ont déjà un garçon et ils pourraient se réjouir d'avoir une fille. Le choix du roi, dit-on. C'est une histoire que mes parents m'ont souvent racontée, en riant, sans se douter du mal qu'ils me faisaient en m'apprenant que je n'étais pas désirée. Pendant 15 jours, mon père a nié ma naissance. Et quand les voisins ou les amis lui demandaient « Oh, Édouard, alors, ta femme a accouché ?» Il répondait « Non, pas encore, mais bientôt, là, bientôt. » C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Regarde notre fille, elle est belle. Elle a le teint rose, les cheveux clairs, de bonnes joues. Oh, elle est belle. On dirait une Française. Ouais. Mais moi, c'est un garçon que je voulais. Il a mis 2 semaines à se résigner. 2 semaines à nier mon existence. Ça va, ça va. Mais puisque je vous dis que ma femme n'a pas encore accouché, mais... C'est pour bientôt, hein, je vous le dis. Et pourtant, j'étais là, moi, Zeïza. Et plus tard, mes parents me raconteront cette histoire en riant. J'entrais ainsi dans la vie avec la malédiction d'être une femme. Et tous les matins, j'entendrai la prière que récitent les hommes. Baruch HaShem, loué soit l'Éternel qui ne m'a pas fait femme. Pourquoi il m'aime pas, ce Dieu-là? Pourquoi il aime pas les filles? Moi, s'il m'aime pas, moi je l'aime pas non plus. Mon père ne m'a peut-être pas désirée, mais il m'a aimée tendrement. Il m'appelait... Aziza. Ma chérie. Yaha Benti. Ma fille. Doye Haini. Plus tard, bien qu'en opposition avec tous mes choix, privés et politiques, il me surnommera... Saïda. La lionne. Mon père, c'était mon héros. C'était un magicien, un conteur. Il se déguisait, il nous racontait des histoires fantastiques. Je suis Santa Cara Mustafa. Je m'en reviens d'un long voyage à Babylone en tapis volant. Ça vole pas les tapis, papa. D'abord, je ne suis pas ton père. Je suis Santa Cara Mustafa et du pays merveilleux d'où je viens, les tapis, ils volent. Mais ce ne sont pas des tapis comme les autres. Ils sont magiques, ces tapis-là. Magiques? Oui, ils sont faits d'une laine spéciale que produisent les moutons de Babylone. Une laine en or. De mon enfance, je ne me souviens que du bonheur insouciant, des parties de football, des courses sur la plage, de la mer immense. J'étais, paraît-il, une fillette pleine de vie, comme on dit pour les petits diables qui ne tiennent pas en place. Regarde comme elle est belle, ma fille. Regarde ses boucles d'or. C'est vrai. Elle ressemble à une Française. Ma mère me comparait à une Française parce que la France, pour mes parents, c'était le modèle, la référence absolue. Et pourtant, nous n'étions pas Français. Nous le sommes devenus. Regarde, Aïsa. Regarde ce papier. C'est quoi? C'est un papier très, très important. C'est celui de ta naturalisation. Hein? Ma nature à quoi? C'est le papier qui dit que désormais, nous sommes des Français. Tu es Française, Zaïza. Tu te rends compte? Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air bien. Je peux retourner jouer maintenant? Édouard Taïeb, le père de Gisèle, est un juif berbère très peu pratiquant. Si peu pratiquant qu'il lui arrive de manger du jambon dans le dos de son épouse, qui, elle, est la gardienne de l'orthodoxie. Il descend, dit-il, de la Caïna. La Caïna, c'était une grande reine. Elle était berbère et sans doute juive, comme nous. Une reine? C'était quand, papa? Oh, c'était au 7e siècle. Elle a tenu tête à la conquête arabe. Elle refusait la colonisation. Elle régnait sur un territoire plus grand que la Tunisie d'aujourd'hui. Et c'était une guerrière, une combattante. J'avais des étoiles dans les yeux. Je découvrais qu'une fille pouvait être reine et combattante. Il y avait donc des modèles féminins valorisants. Un jour, j'écrirai un livre sur la Caïna. Ah oui? Je l'espère, Aziza. Je te le souhaite. Pour Édouard Taïeb, la vie avait été une lutte. Il avait commencé sa carrière comme garçon de course. On disait alors « saute-ruisseau ». Il n'avait ni argent, ni instruction, ni même de chaussures. Cela ne l'a pas empêché, à force de volonté et de travail, de finir comme avoué dans une étude d'avocat. Il rêve d'ailleurs qu'un jour, son fils aîné devienne lui-même avocat. Avocat, Marcel. Tu seras avocat un jour et ta réussite effacera notre misère. Mais Marcel est un cancre. Mais qu'est-ce que c'est que ces notes, Marcel? 4 en français? Non. 3 en arithmétique? Non, mais 4 en histoire? C'est pas de ma faute, c'est parce que... Arrête, tais-toi! Tu nous déshonores, Marcel. J'aime pas l'école, c'est tout. Et tu oses me répondre en plus? Tu vas voir. Marcel, viens ici! Viens, je vais te corriger, moi. Non, Edouard! Tu vas t'attraper ma ceinture, non, Marcel. Tu vas voir si je t'attrape. Je vais t'apprendre. Viens ici, Marcel. Viens ici. Marcel courait très vite. Il n'a heureusement pas été rattrapé. Moi, en revanche, je l'ai rattrapé. À force qu'il redouble, je l'ai rejoint et bientôt dépassé. Moi, j'étais excellente à l'école, mais visiblement, ça ne comptait pas. Maman? Maman? J'ai encore eu un 10 en rédaction. Et alors? Eh ben, la maîtresse a lu ma rédaction devant tout le monde. J'étais fière. Bah, à quoi ça sert de l'instruction pour les filles? L'important, c'est de se marier et d'avoir des enfants. Tu devrais plutôt apprendre la couture ou le repassage. Ça, c'est utile. Parce que Marcel est l'aîné sur qui portent les espoirs de la famille, Fritna a vendu ses quelques bijoux berbères pour lui payer des cours de maths. Sans grand succès, d'ailleurs. Je sais pas. Allons, Marcel. 150 divisé par 5. Allez, 150 divisé par 5 Moi, je sais. Moi, j'adorais l'école. Mais mon grand frère, l'école, il la préférait buissonnière. Zéro à ton devoir de géométrie. Non mais... Et nous qui nous saignons aux quatre veines pour te donner les chances de réussir. Tu veux nous voir mourir, hein, c'est ça, hein? Oh, tu vas voir, Marcel. Non. Vais t'apprendre, moi. Édouard. Tu vas voir. Marcel, viens ici. Édouard. Viens ici, Marcel. Édouard. Viens. Quoi? C'est ta fille. Elle a un problème. Quoi, ma fille? Eh, c'est aussi ta fille, je te signale, hein. Et puis, qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Eh. Est-ce que tu as vu ses notes à l'école? Tu vois son travail? C'est excellent. Des 10. Elle est toujours la première. Eh oui, t'as raison. C'est bien ma fille, oui. Mais je vois toujours pas le problème. Idiot. Les femmes savantes, les hommes, ils en veulent pas. Si elle continue comme ça, on va pas pouvoir la marier. Ah ben oui, mais c'est vrai, ça. T'as raison, dis donc. C'est un sacré problème. J'avais pas pensé à ça. La mère de Gisèle, fortunée, que tout le monde appelle Fritna, descend des séfarades expulsés d'Espagne. Pour elle, être une femme, c'est se marier et avoir des enfants, un point c'est tout. Mariée à 15 ans, mère à 16, elle est fière de ses maternités, fière de son statut d'asservie dont elle n'a pas conscience, fière de son oppression qu'elle élève en normes indépassables. Dieu ne veut pas que tu parles comme ça. Dieu te demande d'agir ainsi. Dieu veut que tu obéisses, mon enfant. Attention, Dieu ne sera pas content. Dieu a dit, Dieu exige. Dieu veut, Dieu réclame. Dieu décide. Dieu. Elle était belle, ma mère, avec ses yeux noirs intenses et ses cheveux tout aussi sombres qui lui tombaient jusque sur la taille et son sourire que j'enviais. Car elle souriait, mais pas à moi. Son sourire était adressé aux autres, à Édouard, son mari, et à mes deux frères, Marcel et Henri. Pas à moi, ni à ma petite sœur Gabi. Maman, qu'est-ce qu'elle est collante, celle-là? Mais tu ne vois pas que je suis occupée à faire le couscous? Allez, laisse-moi tranquille. Regarde si tu fais un dessin. Oh, mais ne reste pas dans mes pattes. Ma mère ne m'aimait pas. Elle n'aimait que ses garçons. Mes fils, que vous êtes beaux, mes fils! Bon, je me trompe peut-être, mais c'est mon ressenti. J'ai toujours pensé que ma mère ne m'aimait pas. À tous mes questionnements d'enfant, elle répondait... C'est comme ça! Mais pourquoi? Parce que... Moi, quand je serai grande, je serai avocate. Voyons, Isa, une femme n'exerce pas ce métier-là. Eh ben alors, quand je serai grande, je serai ambassadrice. Voyons, Zéiza, une femme n'exerce pas ce métier-là. Eh ben, je serai députée alors. Voyons, Zéiza, les femmes n'ont même pas le droit de vote. Dieu merci. Laisse donc ça aux hommes, ils savent mieux que nous. Je vais te dire, le destin des femmes est de servir les hommes et d'enfanter. Point final, ça a été de tout temps et cela sera toujours. Tel est l'ordre du monde, ma fille. Et fatalement, entre la mère soumise et la petite Gisèle qui ne comprend pas qu'on lui limite son horizon, la confrontation est inévitable. C'est pas juste. Quoi? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Pourquoi moi je dois laver le sol alors que Marcel et Henri, ils le font jamais? Mais tu n'es pas seule à faire le ménage, hein? Et il y a aussi ta petite sœur, Gabrielle. N'empêche, c'est pas juste. Marcel et Henri, ils font rien du tout, eux. Oh... C'est comme ça, ma fille. C'est comme ça depuis que le monde est monde. Et c'est pas toi qui vas le changer. Et puis je vois pas pourquoi je devrais les servir à table. Papa, je veux bien, mais mes frères, ah non, je vois pas pourquoi. J'ai pas à les servir. Tu vas le faire pourtant. Non. Pourquoi je devrais le faire? Parce que tu es une fille. Et qu'ils sont des garçons. Je ne comprenais pas cette inégalité que je vivais comme une injustice. Alors, à un moment, j'ai décidé de ne plus les servir. Puisque c'est comme ça, tu ne mangeras pas ce soir. M'en fiche. Je mangerai plus. Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? Ta fille ne veut plus manger tant qu'elle devra servir ses frères. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Zaïza, j'aime pas les caprices. Tiens, regarde plutôt ce plat de pâtes. Regarde, ma fille. J'ajoute un petit filet d'huile d'olive, un coulis de tomates fraîches. Regarde, Zaïza, tu veux goûter? Non, j'en veux pas. Tu vois ce que je te dis? Ta fille, c'est une maboula, une dérangée. Édouard et Fritna pensent d'abord que la détermination de la petite fille va fléchir. Mais Gisèle s'enferme dans une véritable grève de la faim. Au bout de 2 jours, inquiets, les parents sortent leurs bottes secrètes. Ils font appel à la grand-mère qui confectionne de délicieux gâteaux au miel, des baklavas, des mantecaos, des cornes de gazelle. Non. Je ne mangerai pas tant qu'on me forcera à servir mes frères. Une maboule ? Je te dis, une maboule ! Bon. Bon, tu ne les serviras plus. D'accord ? D'accord, papa. Dans mon journal, le soir même, j'écrivais « J'ai conquis ma première part de liberté ». En somme, ce fut ma première victoire féministe. La première révolte de Gisèle est instinctive. Avant d'être pensée, réfléchie et intellectualisée, son féminisme est d'abord empirique. Que les filles et les garçons ne soient pas traités sur le même pied, ce n'est pas juste. Il reste cependant à la petite fille de mener un plus grand combat, contre la religion cette fois-ci, qui maintient les femmes dans l'infériorité. Et cela, c'est une autre paire de manches. Elle a depuis longtemps remarqué qu'à la synagogue, les femmes n'assistent à l'office qu'en spectatrices, au balcon, dans une parfaite ségrégation. Pourquoi, maman ? Je t'en pose des questions, moi ? Et puis, en entrant ou en sortant de la maison, il faut embrasser la mezouza, ce petit boîtier qui contient des textes bibliques et que l'on fixe au chambranle de la porte. N'oubliez pas d'embrasser la mezouza, les enfants ! Sinon, Dieu vous réduira immédiatement en cendres. N'oubliez pas, les enfants, si vous ne voulez pas que Dieu vous punisse. J'étais terrorisée. Dieu me surveillait et pouvait m'anéantir si je désobéissais. La mezouza, c'était visiblement le genre de truc auquel Dieu tenait par-dessus tout. Il rigolait pas avec ça. Ah non. Et pourtant, un jour, je voulus en avoir le cœur net. Je partis à l'école en ignorant délibérément le commandement divin. Je regardais la mezouza, bien en face, mais je refusais de la toucher. On verrait bien. Je tremblais. J'avais défié Dieu dans mon orgueil immense. Il n'allait pas être content, c'est sûr. Et désormais, c'était lui ou moi. Je l'imaginais prêt à m'envoyer des éclairs sur le coin de la figure pour m'apprendre à vivre. Alors je courais sur le chemin de l'école, persuadée que j'allais payer le prix de mon impudence. Et puis... non seulement je ne fus pas réduite en poussière, mais... Les enfants, je vais vous rendre vos rédactions. Rappelez-vous, le sujet était d'écrivez un de vos plus beaux Noëls. À la maison, nous ne fêtions pas Noël. Alors j'avais tout inventé. Le sapin, les guirlandes, les bougies, les cadeaux, la messe de minuit, la crèche avec le petit Jésus qu'on ajoutait au dernier moment, la totale. 5. Je m'attendais à ce que la punition divine s'abatte sur moi et me foudroie instantanément. J'avais menti. Je m'étais inventé un Noël parfait, celui que vivaient mes petits camarades. Ah, Gisèle, première, comme d'habitude, 10 sur 10. Je vais vous lire sa copie. C'est l'exemple à suivre. Vous allez voir, on s'y croirait. Non seulement je n'avais pas été foudroyée, mais j'étais complimentée. Dieu avait perdu la partie. Gisèle décide ainsi de ne plus obéir à Dieu, ce vieux barbon qui n'aime pas les femmes. Et, toute crainte disparue, elle remplace la foi en lui par la foi en elle. C'est tout de même un peu plus tangible. Allez, va-t'en, Dieu des hommes, créé par les hommes pour garantir la loi des hommes. Tu fais rien qu'à nous menacer tout le temps, toujours à nous surveiller, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Et si jamais tu existes, j'espère que t'as une bonne excuse. La religion n'est pas la seule des chaînes qui enferment les femmes. La tradition consacre elle aussi l'idée d'impureté des femmes. La jeune fille s'en aperçoit à la puberté. Alors que Gisèle joue au foot avec des camarades... La balle ! Là ! La balle ! Elle tire. But ! Elle s'arrête, regarde son ventre. Qu'est-ce qui m'arrive ? Elle rentre à la maison, apeurée, maman, et s'adresse à sa mère, les doigts tachés de sang. Maman, je saigne. Ce sang qui s'était mis à couler m'avait horrifiée, car bien entendu, ma mère ne m'avait rien expliqué. Maintenant, tu peux te marier. Tu ne dois plus te baigner ni jouer avec les garçons. Je ne vois pas du tout le rapport. Maman, est-ce que je vais mourir ? Mais non, mais tu ne vas pas mourir. Cela veut juste dire que tu es devenue une femme et que maintenant, tu vas saigner tous les mois. Hein ? Je comprends rien et ça ne me plaît pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Et de toute façon, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. On ne comprend jamais pourquoi. Tiens, voilà une serviette. Je t'en donnerai tous les mois. Il faudra la laver de nuit pour que ton père et tes frères ne la voient pas. Pourquoi ? Parce que t'es sale, c'est comme ça. Allez, file ! La jeune fille découvre que des siècles de tradition et de superstition ont créé le mythe de l'impureté des femmes. Elle comprend alors pourquoi sa grand-mère dormait sur un tapis, à même le sol, quelques jours par mois, tandis que son grand-père, lui, avait le lit pour lui tout seul. Elle comprend aussi pourquoi sa mère place un traversin entre elle et son mari quelques nuits par mois. Mais elle s'interroge tout de même. Pourquoi les hommes nous considèrent-ils comme impurs ? D'où est-ce qu'ils croient qu'ils sortent ? De la cuisse de Jupiter, peut-être ? Bien sûr, c'est toujours sur les femmes que ça tombe. Moi, j'en ai assez. Je veux être libre, comme les garçons. La petite Gisèle a décidé d'être libre. Elle a refusé de servir ses frères. Elle a défié Dieu. Mais être libre comme un garçon, elle ne sait pas trop comment faire. Alors, elle observe ses parents. Mais pourquoi tu as encore besoin d'argent ? Tu crois que ça se trouve sous le sabot d'un cheval ? Édouard, regarde mon manteau. Il est vieux. Je l'ai rapiécé, mais il ne tiendra plus longtemps. Mais si, il tiendra. Il tiendra, t'as qu'à le recoudre encore un peu par-ci, par-là. Je te rappelle qu'on ne roule pas sur l'or. Petit Édouard, chéri, tu ne vas quand même pas laisser ta femme dans cet état. Oh. Je me tue au travail, et toi, tu dépenses. Je sais bien que vous, les femmes... Bon. Tiens, voilà tes 50 francs. Oh, mon petit Édouard, chéri, je vais être tellement gentille avec toi. Eh ben, pour 50 francs, j'espère bien. Alors, voyons. Maman russe pour avoir un peu d'argent. Elle est douce et gentille avec papa. Papa dit non au début, mais finit par dire oui à la fin. C'est toujours la même chose. Cette scène, je vais la voir se reproduire des dizaines de fois. C'est toujours la même comédie d'un couple qui n'est pas fondé sur l'égalité. Alors oui, ça marche. Maman a obtenu l'argent qu'elle sollicitait, mais c'était humiliant. Le mieux aurait été qu'elle n'ait rien à demander. Il faudrait. Oui, c'est ça. Il faudrait qu'elle gagne de l'argent toute seule. Oh, j'ai trouvé comment il faut faire pour être libre. Il faut être indépendante. Et pour être indépendante, il faut gagner son propre argent. Dans son journal intime, intitulé tragiquement « Journal d'une mal-aimée », la jeune fille écrit ce principe souverain. « Personne ne doit me faire vivre ». Elle comprend en observant ses parents que la clé de l'autonomie passe par le travail et l'indépendance financière. Mais quel métier exercer ? Je sais. Je serai avocate. Puisque papa rêve de cette profession pour son fils aîné et qu'il n'y arrivera pas, c'est moi qui vais relever le défi. C'est moi qui vais mettre des étoiles dans les yeux de papa. Maîtresse, j'ai trouvé ce que je veux faire plus tard. Je serai avocate. Voyons, Gisèle. Tu veux devenir avocate uniquement pour étonner ton père ? Il n'y a pas une motivation plus souveraine en toi ? Si, vous avez raison. Je suis inférieure parce que je suis femme ? Alors je vais me battre pour que ça change. Pour moi et pour toutes les autres. Je me battrai pour les humilier, les dominer. Je me battrai parce que c'est pas juste. Et c'est pourquoi la future Gisèle Halimi s'engagera plus tard dans la lutte anticoloniale. Elle se sentira toujours en empathie avec les dominés dont elle fait partie. En réalité, l'histoire viendra à sa rencontre au moins autant qu'elle marchera vers elle. Les luttes d'indépendance, je les ai découvertes, c'était en 1938. J'avais seulement 11 ans. J'ai vu de mes yeux la grande manifestation du 8 avril 1938. La foule tunisienne, emmenée par le parti indépendantiste du Néo-Destour, avait commencé par défiler dans le calme. Qu'est-ce qu'ils veulent, papa ? L'indépendance. Vive l'indépendance, vive la liberté. Eh oh, nous sommes français, nous, hein ? Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Mes parents, qui n'étaient pas nés français, ne juraient que par la France. Mais qu'est-ce qu'ils croient, les Arabes, hein? Ils croient qu'ils seront mieux tout seuls? Oh là là, si les Français n'étaient pas là... Cette manifestation, digne et pacifique, m'avait impressionnée. Mais le lendemain... Papa, qu'est-ce que c'est? Viens ici, laisse pas la machine. Viens, viens. Papa, qu'est-ce qui se passe dehors? La manifestation vire à l'émeute, la police tire, il y a une vingtaine de morts. Papa, pourquoi les Français font ça? Mais... Ils sont méchants, les Français. Et pourtant, nous aussi, on est Français. Qui es-tu donc, Zeïza Taïeb? Une petite juive tunisienne dont la langue maternelle est l'arabe, matinée de berbère, mais dont la nationalité est française. Oh là là, arrêtez avec la tyrannie de l'identité. Je vais vous dire ce qui a fait de moi une Française. Ce n'est pas un papier timbré tamponné par le résident général. Non. Ce qui a fait de moi une Française, ce sont les livres, la littérature dans laquelle j'ai trouvé la promesse de liberté, d'égalité et d'universalité que je ne connaissais pas en Tunisie. Albert Camus a raison de dire que son pays, c'est sa langue. Et moi, c'est Victor Hugo, c'est Voltaire, Zola, Corneille, Molière, qui m'ont faite française. Les armes de sa révolte, Gisèle Halimi les trouve dans les livres. Et ces livres, elle ne les trouve pas chez elle, vu qu'il n'y en a pas, mais à la bibliothèque. Zeïza, mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci? Tu ne dors pas? Je lis, papa. Enfin, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans tes livres pour que ça t'enlève le sommeil? Allez, allez, fais-moi le plaisir d'éteindre cette lampe et de dormir un peu. Mes parents, qui me voyaient dévorer les classiques de Racine à Hugo, de Molière à Stendhal, commençaient à s'inquiéter. Ce sont les livres qui lui tournent la tête. Je te le jure, c'est eux qui la rendent ma boule. Attends, on va aller voir ce qu'elle lit. Viens. Don Quichotte de Cervantes. C'est honnête, ça, au moins? Et ça? Le feu de Barbus? Le feu, c'est l'enfer. C'est la damnation. Enlève-moi celui de la chambre. Il me censurait, mais au hasard, maladroitement, sans savoir au juste quoi proscrire. Il tournait autour des livres avec méfiance, impuissant, terrifié par la puissance qu'il contenait et qu'il ne pouvait pas maîtriser. Une fille, c'est fait pour se marier et avoir des enfants, pas pour lire ou étudier, dit sa mère. Et quand la petite Gisèle devient une jeune fille, la question du mariage se pose de plus en plus vivement. J'avais 16 ans, quand une marieuse vint à la maison me proposer d'épouser un homme de 35 ans. Un riche marchand d'huile qui avait jeté son dévolu sur moi. Écoute, Edouard, elle m'a dit que le marchand, il la prend sans dot, voilà. Oui, mais tout de même, elle est jeune encore. Bah, sans dot. Oui, mais c'est que l'inclination d'une fille est une chose importante et la grande inégalité d'âge, presque 20 ans... Sans dot. Oui, j'ai bien compris, mais il faut compter avec la différence d'humeur, de sentiment. Ça compte tout ça, puis ça rend le mariage sujet à des accidents fâcheux. Sans dot. Oui, je sais bien... Il n'y a rien à répondre à cela. Je vais devoir dire adieu à ma grande fille si elle accepte. Non, j'en veux pas de ce marchand, je l'aime pas. Et c'est un vieux en plus. Oh, réfléchis bien, Zaïza. Il a deux voitures, tu te rends compte? Non. Il te prend sans dot. Je m'en fiche. Oh là là. Tu ne veux donc pas te marier? Non, je veux faire des études. Des études? Mais moi, à ton âge, j'avais déjà des enfants! Mais ne tourne pas rond, ta fille. Hein. C'est une maboula, je te dis. Une maboula! Oui, Zeïza Taïeb est une maboula parce qu'elle est une rebelle. Pour toujours, elle restera la petite fille qui dit que ce n'est pas juste, qui dit non, qui résiste. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander... Il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. En 1940, quand sonne l'heure de la défaite de la France, je suis au lycée de jeunes filles à Tunis. Je suis boursière. Et pour moi, Pétain, c'était inacceptable. pas seulement parce qu'il y a cette législation anti-juive, mais parce que Vichy et la collaboration me paraissaient enfreindre l'esprit même de la France. J'ai décidé d'agir. J'ai monté un petit commando avec des copines. Viens, attention, il ne faut pas faire de bruit. Surveille le couloir, s'il te plaît. Je l'ai. Maintenant, filons. C'est pas le moment de se faire prendre par le surgé. Nous avons tout simplement escamoté le portrait de Pétain qui trônait dans notre salle de classe. Hop, direction la poubelle. Bien sûr, le lycée l'a remplacé quelques jours plus tard. Et quelques jours plus tard, nous le dérobions à nouveau. De guerre lasse, le proviseur laissa tomber et nous fûmes la seule classe du lycée à ne pas travailler sous le regard de Pétain. J'en ai marre. Tous les matins, lever les trois couleurs et chanter Maréchal nous voilà. Tiens, si j'en faisais une nouvelle version. Une bande de traîtres qui gouverna Vichy en se disant les maîtres traite avec l'ennemi, mais ayons l'assurance de jouer notre rôle, car De Gaulle c'est la France et la France c'est De Gaulle. Maréchal, nous voilà devant toi, l'assassin de la France. Je fus traduite devant un conseil de discipline. Je risquais le renvoi. Et finalement, j'ai juste été exclue durant 15 jours. Il faut dire que notre proviseur n'était pas un zélé pétainiste. Il appliquait les règles avec, disons, mollesse. Voilà, ce fut cela ma guerre. Oui, c'était peut-être dérisoire, mais c'était quand même une façon de résister. En 1945, à 18 ans, le bac en poche, Gisèle Halimi prend son envol. Des études de droit à Paris, pour revenir en 1949 à Tunis avec sa robe d'avocate. Oh là là, cette journée où j'ai prêté serment au tribunal de Tunis, si je m'en souviens. Mon père me mitraillait avec son petit Kodak. Vous auriez vu comme il était fier. Comme tu es belle, ma fille. Hé, hey, monsieur le juge, je vous présente ma fille. Elle est avocate. C'est ma fille. Elle est avocate. Même ma mère est venue, et sur les photos, elle sourit. C'est la première fois que je la vois heureuse pour moi. Mais je me dis que ce sourire ne m'est pas adressé. Un peu plus près. C'est à mon père qu'elle... Oui. On sourit bien. C'est à mon père qu'elle sourit. On ne bouge plus. À Édouard, son père qu'elle adore, Gisèle prouve qu'elle peut faire aussi bien, sinon mieux qu'un fils. Et lui, bien que très éloigné de ses idées politiques, l'admire pour son audace. Cela n'empêche pas qu'Édouard et Fritna auraient préféré avoir une fille bien élevée et d'opinion respectable, comme Simone Veil, toujours bien apprêtée, aux chignons impeccables, juive et mariée à un juif. À la place, ils ont une révolutionnaire aux cheveux détachés qui fricote avec Sartre et Mitterrand, mariée à un goy athée et qui parle de ses avortements publiquement à la télévision. Quand mon père meurt à la Noël 1978, il n'y a plus personne pour m'appeler Yabenti, ma fille. Dernier hommage et dernière rébellion qui indispose la mère, Gisèle et sa sœur Gabrielle refusent de monter à l'étage avec les femmes lors de la cérémonie à la synagogue. Elles restent en bas avec les hommes autour du cercueil. Le rabbin n'ose pas protester. Elle n'allait pas laisser Dieu et les hommes leur voler leur père. Et puis, ce fut au tour de ma mère de disparaître en 1995 et d'emporter avec elle le mystère de son non-amour. Je crois que ma mère n'a pas voulu m'aimer et je ne saurais jamais pourquoi. Et sans vouloir faire de la psychanalyse de comptoir, je crois sincèrement que la blessure narcissique de l'enfant s'est muée en révolte d'adulte. Oui. En fin de compte, tout ce que j'ai fait, c'est peut-être parce que ma mère ne me met pas. Derrière l'avocate déterminée, il y a pour toujours une jeune fille blessée chez qui résonne l'appel à la résignation de sa mère, le « c'est comme ça » qui balaye ses questions et ses indignations d'enfant. Un « c'est comme ça » qui accepte la soumission des femmes comme un état de fait qui a été de tout temps et qui sera toujours. Mais ce n'est pas juste. Gisèle Halimi, qui deviendra avocate pour changer le monde, ne cessera de le dire. Ne vous résignez jamais. Ne vous soumettez jamais. Je ne vous demande ni des mots, ni des fleurs. Je vous demande de vous battre. Car il n'y a rien d'acquis ici-bas. Et toujours des combats à mener. Oui, oui, il faudra toujours se battre. À vous, femmes et hommes de l'avenir, de dessiner un futur qui soit plus juste. À vous d'intégrer le vacarme du monde en vous refusant à son iniquité. Gisèle Halimi, la jeune fille insoumise, de Jean-Yves Le Naour, avec Gisèle Halimi âgée, Christine Gagneux, Gisèle Halimi enfant, Camille Clarisse, le père Bruno Abraham Kremer, la mère Nora Krief, Marcel Jérémy Lewin, la maîtresse Léa Boublil, bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Pierre-Henri et Dofar Guéride, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Cédric Ossir. Vous êtes bien sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire. On reprend dans quelques minutes la discussion sur Gisèle Halimi avec mon invité Jean-Yves Le Naour. Quand je regarde dehors, je vois des montagnes nues dans mon village du Nord. La fièvre. J'aimerais te mordre plus tôt. Il neige sur Labrador. Les murs me font perdre la vue et mon visage se tord. La fièvre. J'aimerais te mordre plus tôt. Dépêcher pour toi les oiseaux. Ma fenêtre est close et j'ai le vague à l'âme. Laura Cahen, La fièvre noire sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Thomas Langlin. Jean-Yves Naour, grâce à vous, on a connu cette jeunesse, cette enfance si importante dans la vie, dans la carrière de Gisèle Halimi, la grande avocate. On a découvert notamment, enfin moi, j'ai découvert que en 1940, elle s'était révoltée contre Pétain. C'est assez étonnant. Elle est toute petite encore. C'est vraiment chez une enfant. Ouais. Elle a 13 ans, oui. Alors effectivement, comme on l'entend dans la fiction, elle avait détourné les paroles de Maréchal, nous voilà, devant toi, l'assassin de la France. Elle a enlevé le portrait discret dans la salle de classe. Ça aurait pu lui coûter cher, ça aurait pu lui coûter l'exclusion, et finalement, elle n'aurait pas pu faire d'études. Parce que ses parents ne misaient pas sur elle, les parents misaient sur les fils. Le fameux Marcel. Voilà, Marcel et Henri. Et c'est elle qui a eu une bourse toute seule, qui s'est inscrite, et qui, ça ne l'a rien coûté aux parents, mais sinon les parents n'avaient fait aucune démarche. Rien. Les filles n'avaient pas à faire d'études. Donc si elle avait été exclue, elle ne serait peut-être jamais devenue Gisèle Halimi. Très jeune, elle décide, on l'a entendu, de devenir avocate. Peut-être pas pour avoir une belle situation comme son père rêvait pour son frère Marcel, mais très vite, elle sait qu'elle veut changer le monde. C'est assez étonnant. D'ailleurs, en 1949, quand elle n'a que 22 ans, elle doit prêter serment pour devenir avocate. Elle sait déjà qu'elle sera une avocate dérangeante. La voici, je vous propose de l'écouter. Elle l'explique en 2011. Elle est interviewée pour France Culture. Mon choix d'être avocate était un peu particulier en ce sens que je voulais, en étant avocate, c'était mon moyen de tenter de changer ce que je n'aimais pas dans ce monde. L'injustice, le rapport de force, le mépris des humbles, le mépris des femmes. Et donc, en disant qu'on allait respecter la loi, on respectait l'infrastructure la plus forte, la plus solide d'un état de société que je voulais, moi, changer. Donc il y avait une contradiction. Ce serment me révoltait parce que toute cette allégeance que l'on était obligé de prêter vous ligotait littéralement. Et quand j'ai prêté ce serment, je l'ai prêté quand même avec je dirais pas la crainte, mais à peu près la quasi-certitude que je n'y allais pas m'y conformer. Gisèle Halimi, interviewée en 2011 par Virginie Bloch-Lenné. Jean-Yves Le Naour, c'est assez étonnant quand même. Elle sait déjà que ce serment qu'elle doit prêter, elle est obligée pour devenir avocate, est très, très... Il est contraignant. Contraignant. Oui, il est très contraignant. Il commence d'ailleurs à être critiqué. Ça fait depuis plusieurs années qu'il est critiqué. C'est un serment qui dit qu'on doit respecter le tribunal, on doit respecter les bonnes mœurs, on doit respecter les lois. Donc il y a une soumission de l'avocat. Et Gisèle Halimi se dit, mais et si le tribunal n'est pas respectable ? Parce que très vite, elle va être confrontée aux tribunaux militaires. Et là, il y a la confrontation. Où est la vraie France ? La vraie France, c'est celle de Voltaire, c'est celle de Descartes, c'est celle d'Hugo. Ou bien la vraie France, c'est ces militaires qui jugent au nom du peuple français. Mais alors, où m'a-t-on menti ? Qui a menti ? Et donc, oui, elle a ses problèmes vis-à-vis du serment. Mais ce qui est formidable dans son parcours, c'est que, près de serment, là, on est en 49. Ouais. Eh bien, en 81, elle est députée. C'est Badinter qui est ministre de la Justice. Et elle participe à la réforme du serment d'avocat. Aujourd'hui, il n'y a plus ces respects de tribunaux, etc. C'est voilà. Il y a une vraie continuité. Oui, elle est fière de cela. Le serment d'avocat, elle a participé à sa réforme. Il y a toujours un serment, mais terminer le respect des bonnes mœurs, ni quoi que ce soit. Alors que ce soit au procès de l'indépendantiste algérienne Jamila Boupacha en 1960 ou pour Marie-Claire Chevalier ou au procès du viol, ces affaires donc les plus célèbres, Gisèle Halimi n'hésite pas à parler à l'opinion publique par-dessus la tête des juges et à faire appel aux journaux, elle fait appel aux intellectuels aussi, ce sera le manifeste des 343 en 1971. Est-ce qu'il y a une méthode Gisèle Halimi justement pour faire parler pour faire avancer la justice et faire changer le monde, c'est ce qu'elle voulait. Incontestablement, d'ailleurs, c'est une façon de faire de la politique sans en faire, c'est-à-dire sans être une responsable politique. Oui, ça, c'était pas son truc. Elle l'a essayé plus tard, mais en fait, là où elle était vraiment bonne, c'était plutôt dans les tribunaux et quand elle faisait sortir ses affaires sur la place publique. Oui, mais quand elle est devant les tribunaux, elle s'en sert comme d'une tribune et elle parle au-dessus de la tête des magistrats. Elle parle à l'opinion publique. Ça les énervait beaucoup, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a ceux qui sont tombés dans le piège et qui ont accepté d'écouter les grands témoins, Simone de Beauvoir, Michel Rocard, et puis les prix Nobel de médecine, Jacques Monod, etc., etc., le professeur Paul Mulliez, ça c'est à Bobigny, et puis il y a ceux à Aix-en-Provence pour le procès du viol qui disent non, ça hors suffit. De question, vous n'avez rien à voir avec l'affaire, je ne veux pas vous entendre, etc. Mais Gisèle Halimi, voilà, ce qu'elle veut faire, c'est un procès médiatique, c'est retourner l'opinion pour arriver à une réforme de la loi, changer la loi. Ça sert à rien de faire condamner trois violeurs. Par contre, il faut faire changer la loi sur le viol. Et pour ça, il faut faire la conquête de l'opinion, qui ne voulait pas entendre de ces questions, de ces sujets. Sur l'avortement, c'est la même chose. En 72, il n'y avait pas une majorité en France pour la réforme sur l'avortement. La France était un petit peu au milieu du gué. Et ce procès, qui est vraiment absolument inique, Marie-Claire Chevalier a été violée, une jeune fille de 16 ans, et c'est elle qui se retrouve devant les tribunaux et son violeur est dehors. Enfin, c'est lui, en plus, qui l'accuse d'avoir avorté. C'est vraiment, c'est l'iniquité absolue. Et là, les Français se révoltent. Et ils sont du côté des femmes, ils sont du côté de Gisèle Halimi. Et Gisèle Halimi plaide, alors qu'elle a contre elle la loi, elle arrive à la relaxe parce que les juges comprennent qu'ils ne sont plus en phase avec la société. Et donc, ils disent aux législateurs, débrouillez-vous, nous, on ne peut plus appliquer ces lois. Ces lois sont inapplicables. Alors que les magistrats sont là pour appliquer la loi, normalement. Ils ne sont pas là pour... ils disent aux législateurs, changez la loi. Et on arrive, effectivement, à la loi Veil en 74. Oui, c'est assez beau, parce que donc, c'est Gisèle Halimi, l'avocate, qui va passer le relais à la ministre, Simone Veil, donc cette femme très différente d'elle, mais qui, très en même différente. Temps, elles étaient ensemble, elles étaient amies, elles se sont battues. Une femme de gauche. Une femme de droite. Une femme de droite. Et c'est elle qui va porter la loi. Et elle se voyait fréquemment, figurez-vous. Ouais. Elle se voyait même dans des petits cafés. Parce qu'à l'époque, à partir de 74, elle est ministre de la Santé, Simone Veil, elle mène une campagne contre le tabac. Et donc, ils se mettent à l'arrière-salle des cafés. Fumer des cigarettes. Voilà, pour continuer à pouvoir fumer. Parce que la ministre de la Santé qui fume, ce serait pas très bien vu. À propos de la révolution féministe que Gisèle Halimi appelait de ses voeux, je vous propose de l'écouter, encore une fois, interviewée en 2011. J'avais pris conscience assez tôt que le féminisme était une révolution tout à fait extraordinaire, unique en son genre, parce qu'elle remettait en cause absolument l'intégralité des données, des tabous d'une société, des données même économiques, culturelles, religieuses, familiales, ça remettait en cause tout. Et ça avait pour soi que cette révolution, à l'inverse des autres révolutions, n'employait pas le terrorisme, ne tuait pas, n'éliminait pas définitivement, n'avait pas de victimes. Et c'est, je dirais, sa dimension la plus forte, la plus culturelle, parce que c'est une dimension qui implique que vous avez comme tâche de convaincre l'autre pour l'amalgamer à votre point de vue et pour qu'il vous aide à changer la société. Dans les moyens employés, on avait des moyens que les révolutions, elles, n'emploient pas. Jean-Yves Le Naour, on dit parfois que la révolution féministe a été la seule vraie révolution réussie du XXe siècle. Est-ce que c'est la contraception et le droit à l'avortement qui ont véritablement révolutionné la vie des femmes ? La révolution féministe, c'est d'abord une révolution qui se fait sur l'idée d'égalité, pour une société d'égaux, pour une société, effectivement, où il n'y ait plus de dominant-dominé entre les sexes. Et la question de la liberté à disposer de son corps, elle est essentielle. Elle est essentielle pour les femmes, bien sûr, mais je crois aussi pour toute la société. On le dit assez peu. On dit toujours le droit à disposer de son corps, évidemment, puisque ce sont les femmes qui sont enceintes. C'est elles qui devaient gérer et se débrouiller, bien sûr. Mais la place des femmes déplace la place des hommes aussi dans une société. Et les stéréotypes changent, les règles changent. Et aussi, ils en profitent. C'est-à-dire que, au lieu d'une société verticale, une société dans un couple avec un dominant dominé, ce sont des rapports d'amour, de respect qui se substituent. C'est ce qu'elle disait, Gisèle Halimi. Mais oui, ça a l'air d'une banalité de dire ça aujourd'hui. Mais les couples en 1900 ne sont pas fondés là-dessus. En tout cas, pas uniquement. Donc, la révolution féministe, oui, c'est la révolution qui accouche d'une société d'égaux pour des rapports fondés sur l'amour et le respect. Merci beaucoup, Jean-Yves Le Naour. Vous êtes l'auteur de l'excellent documentaire Gisèle Halimi, La cause des femmes, réalisé par Cédric Condon, qui a été diffusé le 6 mars dernier sur France 5 et qui est toujours disponible en replay jusqu'au 6 mai sur le site de France.tv. Et avec Catherine Valenti, vous êtes l'auteur du livre Halimi à la plage. Je ne sais pas pourquoi elle est à la plage. Ah, parce que c'est la collection. Il y a Platon, Nietzsche à la plage, Marx d'accord. à la plage. C'est en pour cas, dire que vous pouvez le voilà. lire facilement. D'accord, mais c'est très très bien en tout cas. Ce livre paraîtra le 25 mai aux éditions Duno. Et ne manquez pas demain la soirée hommage à Gisèle Halimi en public et en direct sur France Inter. Gisèle Halimi, une visionnaire de 20h à 22h, animée par Sonia De Villers. Autant n'emporte l'histoire, c'est la fin pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site franceinter.fr où vos commentaires sont les bienvenus, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, en raison de la soirée électorale, pour le premier tour de la présidentielle, il n'y aura pas d'émission. Nous nous retrouverons donc dimanche 17 avril pour partir à la voile dans le Pacifique en 1907 avec l'écrivain Jack London et sa compagne Charmian Kittredge à bord de leur célèbre deux-mâts, le Snark. Jack London, un surhomme fragile, c'est dimanche 17 avril dans Autant d'emporte l'histoire.